Réveil dérouté par la réalité, trop triste pour accepter y participer. 2008, et que s'est-il passé? J'ai beaucoup trop rêvé d'un monde parfait. On se lève quand même pour avancer, même si on préfère voyager dans ses pensées. Esquiver ce monde damné, cette humanité non contrôlée, comme un enfant ensorcelé qui ne se prive pas de tester ses capacités sur son territoire sacré. Pris par le rythme de la vie, on plane, on flâne dans sa ville. On crie ce qu'on a besoin de sortir, mais l'on ne change rien, on est trop petit. Pris par le rythme de la musique, on chante, on crée, ça peut servir à la circulation d'idées, d'idéaux reste à partager. On s'accompagne d'amis, on se crée sur leurs avis, on se sculpte nous-mêmes nos ailes, ce qui n'est pourtant pas permis. On devrait rester au sol, ce n'est que camisole pour avancer, bras attachés, tête opprimée, nous préférons voler. C'est donc à ça que se résume la vie. Festival de conneries en attendant le paradis. Si c'est pour ce cirque qu'on doit vieillir, je me laisserai pourrir ou me battrai pour l'avenir. Il faut d'abord se rassembler autour d'idées, pour anticiper l'après, pour pouvoir nous libérer. Il faut tout faire éclater, après il nous reste la vie, le temps pour s'auto-gérer. Unis contre l'unité réfléchie pour ne pas tomber dans le piège de l'homme sensé, que l'on croit pouvoir nous sauver. Un homme fera pas le monde, mais le monde fera chaque homme. Un homme ne fera pas le monde, mais le monde fera chaque homme. Évitons la révolution foirée, déconnectée de son essence, des avoues et de son sens. Ne nous laissons pas guider, évitons la révolution foirée. C'est en nous qu'il faut avoir confiance. La justice n'est pas une chance, c'est un don dont l'homme est doté. Doté non pas par un ange, ni par un texte du passé. Il n'accepte pas le mélange, il y a des guerres pour ses pensées. La justice au paradis, et la terre aux enfers. Un homme ne fera pas le monde, mais le monde fera chaque homme. Jamais s'aimer ni même rentrer dans la danse tant que notre ami d'à côté n'a pas la santé pour chanter. On ne pourra jamais penser qu'en France on a de la chance tant qu'on continuera d'exploiter le monde si ça nous chante. Un homme ne fera pas le monde, mais le monde fera chaque homme. Ne fera pas le monde, mais le monde fera chaque homme.